pages arrachées à Goliarda Sapienza. Texte choisi et présenté par Frédéric Martin. Troisième épisode. Maternité. L'art de la joie, le grand roman de Goliarda Sapienza. Écrit sur une dizaine d'années, entre 1967 et 1976, elle y mit tant d'elle-même qu'elle alla jusqu'au bout de ses forces, connaissant même un épisode de dépression après la fin de son écriture et le refus successif de tous les éditeurs italiens. Ce texte ne sera publié qu'après sa mort et il est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre. Des thèses désormais s'écrivent sur cette œuvre qu'on a bien du mal à définir ou du moins à circonscrire. À vrai dire, ce roman pourrait se lire comme une fable, puisque son personnage, Modesta, né un 1er janvier 1900, va traverser tout le XXe siècle avec le chaos de ses guerres et de ses idéologies, à la recherche de sa liberté. Cette recherche de la liberté va l'amener dans une famille de nobles dégénérés où règne une princesse, vieille femme acariâtre, et Hippolyto, son petit-fils, prince mongolien. Habité par son désir de liberté, Modesta va réussir un coup du destin, faire croire à toute la famille qu'elle est enceinte des œuvres d'Hippolyto et, donnant vie à un enfant, devenir princesse. Maintenant que mes nausées avaient disparu et que dans la villa l'odeur de vomi s'en était allée, tout, jour après jour, reprenait une vie nouvelle. Les rideaux, les salons, la lumière, les gestes de chacun. Une faim jamais éprouvée me faisait apparaître toutes les nourritures comme un don merveilleux du sort. Je désirais tout, les fruits, l'eau, le lait et surtout le pain. J'avais oublié le goût du pain chaud tout juste sorti du four avec dessus de l'huile et du sel. Je n'aurais mangé rien d'autre. Et avec la faim, la lumière se fit plus intense et plus caressante, l'herbe plus fraîche et plus verte, les pêches et les figues plus tendres et douces. Quand je les cueillais et les tenais dans ma main, c'était comme si un courant de sensations oubliées venait se faire reconnaître chaque matin d'un passé extrêmement lointain que je gardais caché dans quelques profonds replis de ma mémoire. Le sommeil aussi était devenu un plaisir charnel. Dès que je me mettais au lit, les ombres, les pensées s'inclinaient sur moi pour me bercer. Pour prolonger cette sensation de paix, j'essayais de retarder le sommeil. Mais c'était inutile. Et les rêves glissaient sur moi dans des ruisseaux de lumière et de couleurs. Quand ne pouvant plus porter de corset, je me vis la taille élargie, déformée et le ventre gonflé dans le miroir, au lieu de me désespérer comme j'avais pensé le faire au début, je me mis à rire, comme sur un bon tour sans importance que la vie me jouait. Je n'arrivais pas à rester sérieuse. La seule chose qui m'ait donné de la peine était la douleur que je devais afficher pour la mort de la princesse. Avec Hippolyto, les choses avaient été faciles. Dès la mort de la princesse, je l'avais fait sortir de sa chambre prison, et comme je l'avais prévu, dès qu'il fut dehors, guidé par Pietro, son attention s'écarta de ma personne. Il s'était attaché à moi parce que j'étais la seule femme qu'il ait jamais vue. Pour être plus libre, je fis venir de Turin une infirmière spécialisée, et je choisis la plus jolie. Et quand Mademoiselle Inès, avec ses boucles brunes et ses gestes agiles et discrets, commença à lui tourner autour, il m'oublia complètement, à tel point qu'il s'en fallut de peu que je ne sois blessée par sa légèreté. Mais je ne ressentais le besoin de personne. Je me souvenais, comme dans un nuage, des caresses de Béatrice et des étreintes de Carmine. Carmine ne se montrait plus. Le travail était retombé tout entier sur mes épaules. Je n'avais plus besoin des livres, ni du piano. J'étais un peu effrayée de découvrir cela. Je serais toujours comme ça. Mais je compris bientôt qu'il n'en était pas ainsi. De la même façon que maintenant, je gonflais, je dégonflerais après. Et sûrement, Je redeviendrai comme avant si je ne mourais pas. » Eh oui, voilà ce qu'était ce repos que, sous forme d'heureuse abstraction de toute chose, mon corps m'imposait en même temps que les longs sommeils. La nature me préparait à l'effort que j'allais devoir affronter. Mais en même temps, je devinais que ce repos, trop souvent répété comme chez ces femmes qui ne faisaient rien d'autre qu'enfanter, engendrait à la longue cet état d'absence hébétée qui les rendait étrangères à la vie. Bien sûr, cette préparation du corps et de l'esprit à l'aventure la plus secrète et la plus risquée que l'être humain puisse affronter, comment pouvait-elle ne pas faire apparaître à la longue tout le reste inutile et sans intérêt ? Quand le moment s'annonça d'un coup brûlant qui de l'estomac poussait vers le bas, déchirant les flancs, les reins, l'intestin, je compris qu'il fallait s'éveiller de cette hébétude et lutter. Ce n'était pas seulement un effort comme je l'avais pensé. C'était une lutte à mort qui se déchaînait à l'intérieur, comme si le corps, jusque-là préservé dans son intégrité, se séparait en deux et qu'une partie luttait pour dévorer l'autre. Crie ! Crie, ça va t'aider ! La position est bonne. Il se présente bien. Crie et pousse. Tu vas y arriver. Qui va y arriver ? Cette vague de douleur lancinante ? Il lui fallait suivre cette vague ? Son corps luttait avec l'autre corps qui, comme un bloc de pierre, cognait contre le mur du ventre pour sortir. Il était là, l'ennemi, dans ce bloc qui cognait pour sortir de sa prison et vivre au prix de déchirer, de détruire son corps à elle, qui, même s'il s'y était préparé, n'arrivait pas à expulser cet ennemi pour ne pas succomber. Voilà, comme ça, c'est bien. Peins tes deux menons de tous les côtés, mais en poussant vers le bas. Comme ça, tu l'aides et tu t'aides. Oui, elle devait le pousser à sortir. Cet étranger est déjà fort de sa volonté de vie autonome. Elle sentait qu'il était décidé à vivre, fût-ce au prix de tuer. Et d'une dernière poussée qui la parcourut des épaules jusqu'à couper d'un coup sec le bas-ventre, les cuisses, elle le sentit tomber d'elle avec un bruit sourd, dans le vide. Non ? On l'avait saisi. Des mains le soulevaient, le secouaient contre la clarté laiteuse de la fenêtre. Ce devait être l'aube. Les oiseaux criaient, les oiseaux crient toujours à l'aube. Et là aussi, secoué dans ses mains, des cris sortaient de ce morceau mutilé de son corps épuisé de fatigue. Pourquoi criait-il ainsi ? Pleurait-il pour sa vie conquise ? Ou parce qu'au secret de cet acte charnel, cet être savait qu'il avait presque tué pour vivre ? Seul mon corps et le sien connaissaient la signification secrète de ce combat mortel et sans hostilité. Chacun pour sa propre vie. La vieille princesse est morte et Modesta règne à son tour en maître sur la propriété. Ayant trouvé une aide-soignante pour s'occuper d'Hippolito, voilà que le destin lui joue un tour. L'aide-soignante devient à son tour, mais véritablement cette fois-ci, enceinte des œuvres du prince. Bien, jeune fille. Mais malheureusement, nous devons maintenant parler de ton état. Il n'y a pas de temps à perdre. À combien de mois en es-tu ? 3, princesse, je crois. Oh, Dieu, j'ai honte. J'ai honte. Je t'en prie, Inès, ne recommence pas. Ce n'est rien de terrible. Avec un bon médecin, c'est une plaisanterie. Un bon médecin, princesse ? Oh non, vous êtes trop bonne. Un médecin est un luxe quand on accouche. Il suffit d'une sage-femme. Chez moi, mais les femmes... Mais qu'as-tu compris, Inès ? Tu voudrais garder l'enfant de... Oh oui, princesse, je sais, c'est l'enfant de la faute, je le sais. Mais il est bien question de faute, Inès, reviens à toi. C'est l'enfant d'un Mongolien, sapristi, tu es infirmière. Tu sais ce que ça veut dire, non ? Bien sûr, princesse, mais c'est aussi une âme qui palpite à l'intérieur de moi. Et si pour me punir, Dieu veut qu'il naisse tel qu'est son père, ce sera le signe que je dois expier. non seulement par la prière, mais aussi en l'ayant devant les yeux. Cet enfant sera ma croix, et je la porterai comme notre rédempteur. Ça suffit, jeune fille! Des pleurs et des excuses, tu es en train de passer à l'arrogance la plus inouïe! Finissons-en! Tu ne vas pas prétendre que je te laisse mener à terme un enfant du prince, mon mari. Je ne parlais pas d'un médecin pour l'accouchement. Je ne parvins pas à achever ma phrase. Se levant d'un bond, avec une agilité imprévue, elle se mit à courir à travers la pièce comme une chauve-souris aveuglée par la lumière. Ce coup de théâtre était assez réussi. Il parvenait à me faire taire. D'autant plus que, agitée de la sorte et virevoltante, elle était assez gracieuse et vivante. Je posai mes coudes sur la table, le menton dans les mains, et je la regardais. Je voulais décidément voir combien de fois elle réussirait à faire le tour de la pièce en jacassant des mots et des exclamations comme « Oh, Dieu ! Péché ! Oh, tuer une âme ! Oh, me jeter dans la mer plutôt que... » Cette espèce de fugue dansée précédée du petit mouchoir blanc m'enchantait le regard comme au cirque le costume pailleté de l'écuyère. Elle se défoulait et je pensais, je l'arrête, je lui donne une paire de gifles et la renvoie chez elle. Et Hippolyto, qu'est-ce que je fais d'Hippolyto? Et puis au fond, elle est mignonne et même si c'est à sa façon, elle combat pour sa folle volonté de vie. Comme je l'ai fait autrefois. Et puis il faut un beau courage pour faire l'amour avec la chose. Qui sait si j'aurais eu ce courage à l'époque. Un dernier cri et plaf. Je la vis s'écrouler sur le tapis. Je savais qu'il y aurait un évanouissement. Il devait arriver tôt ou tard. C'était une figure obligée. Elle n'était pas tombée avec trop de grâce. Mais cela me permettait d'observer la ligne de ses jambes. Parfaite. Et deux beaux bras, pleins, qui se terminaient en deux fins poignets à la peau transparente, comme celle d'un petit enfant. À l'un de ses poignets, elle portait une montre minuscule, très très jolie. J'essayais de la soulever, mais elle pesait trop lourd. Je ne savais que faire. Je ne m'étais jamais trouvée avec une demoiselle évanouie dans les bras. Ses épaules et ses bras, qui de loin paraissaient de marbre, avaient entre les miens un moelleux attirant. Il avait du goût, le prince, mon époux. J'avais, comme vous, du reste, douté que l'enfant fût de la chose, et je m'étais promis de vérifier. Mais ce petit visage décoloré, abandonné sur mon bras, me donnait la sensation que oui, elle avait sa volonté folle à elle, cette Inès, mais pas le courage de mentir. J'essayais de la secouer doucement, mais il n'y avait rien à faire. Cette chair tendre, parfumée de talc, m'attirait, et s'il n'y avait pas eu l'autorité que je devais garder avec elle et les autres, je l'aurais pressée contre mon sein, et je l'aurais couverte de baisers. Attention, Modesta, les demoiselles sans défense ont toujours été un danger. J'allais l'étendre de nouveau sur le tapis et appeler Vif Argent quand cette petite tête d'agneau en sucre se redressa d'un coup et s'agrippant à mon cou, me fixa de deux yeux égarés et brillants. Non, oh non, princesse, ne me chassez pas. Je serais venue tout avouer. Je serais venue, je le jure. Mais oui, Inès, j'en suis sûre. Mais maintenant, relève-toi. Tu pèses, petite fille. Debout. Mais où suis-je? Qu'est-il arrivé? Oh, mon Dieu, me trouver les jambes complètement nues devant vous. Et certes. Ses cuisses pleines et fermes se terminaient, elles aussi en deux chevilles minces, ravissantes. Ce n'est rien, Inès. Un petit évanouissement. Tu as eu beaucoup d'émotions. Des émotions, dites-vous, princesse? De la peur, princesse, de la peur et de la honte. D'accord, Inès. De la peur, comme tu veux. Mais maintenant, c'est fini. Reprends ton calme et va t'étendre sur le lit. Oh, comme vous êtes bonne princesse. Et pense bien à ce que tu veux faire. Parce qu'après, je ne veux pas de gémissements et de larmes. Tu as bien compris? Si tu veux garder cette créature qui palpite à l'intérieur de toi... Oh oui, princesse, oui. Mais pense-y bien. Parce que c'est l'enfant d'un idiot. Le prince n'est pas du tout un idiot, princesse. Il est bon et il comprend énormément de choses. Elle était offensée maintenant. Son petit minois redressé. l'air distant et sévère. Elle s'offensait de ce qu'on ait seulement touché à l'objet de son amour. La vie continue, le temps passe et les enfants grandissent. Modesta, harassée par le travail, se fait aider par une femme de confiance, Stella. Tout pourrait être parfait si le destin ne continuait à rouler. L'extrait qui va suivre et qui pose avec une acuité folle la question de la filiation est d'autant plus bouleversant lorsqu'on se souvient que Goliarda Sapienza, stérile, n'a jamais eu d'enfant. Stella, ne m'énerve pas. J'ai demandé ce qu'il y avait, c'est tout. Il n'y a que Jacopo depuis... Eh bien, depuis quelques jours, n'est plus lui-même. Et depuis ce matin, il ne mange plus. Ne bouge plus de sa chambre et n'a même pas voulu descendre pour donner sa leçon à Crispina. Et la pitiote s'est mise à pleurer. Il a fallu mille et une histoires pour l'apaiser. Maintenant encore, où c'est le moment de manger, il ne veut pas descendre. Tu y vas? Heureusement. Quand de mes mains je touche les épaules bien vivantes de Jacopo sous sa chemise légère, je me rassure, même s'il ne bouge pas et s'obstine à rester tapis contre le mur. Il a toujours fait comme ça, même quand il était petit. Mon petit. Ne m'appelle pas petit. Tu as raison, tu es grand maintenant. Ce n'est pas pour ça, et tu le sais. Qu'est-ce que je sais, Jacopo? Que je ne suis pas ton enfant. J'ai rêvé que je n'étais pas ton enfant. Et que tu me trouvais dans un panier déposé par on ne sait qui. Sous l'olivier sarrasin. Voyons donc. Où t'ai-je trouvé cette fois? La dernière fois, c'était dans une barque au bord de la mer et tu n'étais pas triste quand tu me le racontais? Je n'en peux plus. Je veux mourir. Ou alors ce rêve t'a toujours fait souffrir et tu le cachais, comme tu le fais aussi pour le mal de dents, pour ne pas te faire plaindre. C'est ça, Jacopo. Je sais que tu n'aimes pas faire comme Tony, qui profite même d'un bouton pour se faire choyer. Non. Non, le rêve n'a rien à y voir. Excuse-moi, mais je dois rester seule. J'ai donné ma parole d'honneur. Je t'en prie, descends dîner, il faut que je reste seule. Parole d'honneur, parole d'homme, silence viril. Un homme qui est un homme sait se taire quand il en a fait le serment. N'avions-nous pas décidé, Jacopo, de ne pas écouter les bavardages des gens et de parler de tout, ensemble, comme nous l'avons toujours fait? J'ai juré sur l'honneur. N'insiste pas. Et puis je fais déjà mieux. Si tu le veux vraiment, je descends, je viens dîner, comme ça, nous en finissons. Qui pouvait demander à Jacopo sa parole d'honneur et l'obtenir? Un homme qui est un homme ne donne pas sa parole à droite et à gauche. Une seule personne en avait le pouvoir. Quelqu'un qui était passé sur la pointe des pieds dans notre vie. Une personne à l'aspect inoffensif, qui avait fait halte un instant avant de disparaître sans bruit. L'apparition de ce visage riant dans les coulisses du passé, suave visage qui promettait de supporter pour le bien de son enfant la croix que Dieu lui imposait, me reporta à une haine depuis longtemps oubliée. Méprisable Inès, femme ennemie des femmes et de l'homme, femme méprisable, incapable d'accoucher. Par la suite... Elle a avorté 4 fois, avec toujours plus de facilité. Par cet exercice, par ce calvaire, elle a cru avoir acheté sa faute. Et dans les coulisses, je la vois souriante et suffisamment purifiée pour récupérer le fruit sacré de son sein. Pourquoi as-tu permis que je naisse? Pourquoi? Et comment pouvais-je ne pas te laisser naître? Inès était belle, en bonne santé. Comment pouvais-je la contraindre à avorter? La pâleur de Jacopo se tache de violet. Son long corps a des tressaillements. Il se lève soudain et va s'enfuir. Je ne peux pas le suivre. Il est seul à souffrir et il doit trouver seul le chemin pour se tirer de là. Il tourne comme un fou dans la pièce jusqu'à ce qu'il retombe sur le lit, la tête dans ses mains fines aux jointures rougies par le désespoir. Alors c'est vrai ? Tu aurais préféré que je te dise qu'Inès avait menti ? Non. Non, je le sais qu'elle n'a pas menti. Je ne peux ajouter au crime d'Inès celui de tuer son image en Jacopo en dénonçant la bassesse de cette femme. Jacopo me croirait, bien sûr, mais je ne peux permettre à mes mains de massacrer la part d'Inès qui vit en lui, part douce et riante qu'année après année, j'ai vu fleurir, greffée sur la souche dure et sèche de Gaïa et d'oncle Jacopo. Mais est-ce que je suis qu'un poupon qu'on peut se passer d'une main à une autre ? Est-ce que je n'ai pas d'yeux pour voir et d'oreilles pour entendre, comme dit Pietro ? Est-ce que je n'ai pas compris ? Allons, maintenant, j'assemble beaucoup de choses que Pietro ne pouvait pas dire exactement. Elle a pris une somme d'argent, et pas petite, pour me céder à toi. Et tu sais ce qu'elle a eu l'impudence de me dire ? Qu'elle me la laissera ! Qu'elle me la laissera à moi, tu comprends ? Comme si j'avais besoin de son argent ou du tien. Je travaillerai, et je ne veux rien de personne, et puis... C'est ça aussi qui me rend fou de haine contre la vie. Je n'aurais même pas tellement besoin d'argent parce que maintenant... Parce que, Jacopo ? Je sais que je ne devrais pas avoir d'enfant, jamais. Cette maladie est héréditaire. C'est pour ça que tu ne m'as pas parlé d'Inès, je le sais. Je suis née quand il avait déjà la syphilis. Et pas comme Prando qui est née avant. Oh maman, pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi pleures-tu ? Je ne pleure pas, je n'aurai jamais d'enfant. C'est toi, ma mère, n'est-ce pas ? Tu le disais, et je ne le comprenais pas, que Bambolina était plus ton enfant que Prando, que Tony était ton neveu, même si Stella n'est pas ta sœur. Tu es ma mère, n'est-ce pas ? Embrasse-moi, maman. Et tu le seras toujours, n'est-ce pas ? Dis-le. Il pleure enfin dans mes bras. Et pour calmer le tremblement de désarroi qu'il a pris, je peux dire ce mot dépourvu de sens qui a le pouvoir, si on l'emploie dans un juste dosage, comme certains poisons, d'alléger la douleur. Toujours, Jacopo. Ta mère. Toujours près de toi. Je me retrouvais à sangloter sur sa poitrine. Et ses bras me soutenaient. Comment Jacopo pouvait-il paraître si fragile un moment auparavant et maintenant si fort ? C'était Page arrachée à Goliarda Sapienza. Texte choisi et présenté par Frédéric Martin. Traduit de l'italien par Nathalie Castagnier. Avec Nora Krief, Modeste. Cristina Scagliotti, Stella. Aurélie Nousillard, Inès. Brice Hilleré, Jacopo. Et les voix de Eric Genovese et Giada Mellé. Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Emmanuel Arming. Claude Nior. Bruitage, Bertrand Amiel. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Laurence Courtois. L'art de la joie de Goliarda Sapienza est paru aux éditions Le Tripode.